Ces jours-ci, en Corée du Sud, le parti au pouvoir conservateur s'affaire à réviser son appellation, son programme et son emblème. En effet, le Parti pour un nouveau monde a changé de nom le 13 comme Parti de la Corée libre. Tout en déplaçant le siège du parti à l'île de Yeouï à Séoul, les hommes du parti prétendent de renouveler l'ancienne mauvaise image.